un peu foncé. Oui, un peu foncé, Denis, effectivement, du rouge, rouge foncé celui-là, mais pas de drapeau noir en région Rhône-Alpes, même si la circulation reste dense. Premier ralentissement sur l'axe Lyon-Paris-Lyon, Rhône-Alpes sur l'A6 au niveau de Pouilly-en-Ossois, puis de nouveau sur l'A43 au départ de Lyon, ainsi qu'à l'entrée ouest de Chambéry. Et puis du monde également aux sorties sud de Grenoble, dans la traversée de Visil, autre axe délicat, l'A40, l'autoroute blanche qui est encore dans les deux sens à hauteur de Châtillon de Michaille. Merci Michel Berga, il est 13h19 sur France Inter, ce journal est terminé. Attention, ayez le pied léger sur l'accélérateur si vous êtes sur les routes de la neige et je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve à 19h. Merci beaucoup Denis Astagnaud, passez un bon après-midi, tout de suite les prévisions de Météo France avec Jacques Kessler. La météo avec netentreprise.fr, site officiel de vos déclarations sociales. Les chutes de neige de l'Alsace au Lyonnais sont en voie de disparition. Quelques averses sur la Corse, possible aussi sur la Côte d'Azur dans l'après-midi, neigeuse à basse altitude. Dans le reste du pays, temps sec, le soleil va prédominer surtout sur les régions atlantiques, autour du golfe du Lion où le Mistral continuera à souffler. Des éclaircies de plus en plus larges du nord au bassin parisien. Nuages restant nombreux de la Bourgogne au massif central et autour des Pyrénées. En altitude, sur les Pyrénées et sur les Alpes, la plupart des massifs sont ensoleillés et demain ce soleil sera encore plus éclatant. D'ailleurs, demain il brillera sur la majeure partie du pays, les trois quarts à partir du sud jusqu'à Paris. Il faut en revanche s'attendre à une détérioration à partir de l'extrême nord, l'après-midi jusqu'à la Normandie et la Lorraine. Le ciel se couvrira, quelques flocons en fin de journée du côté des Ardennes et de la Moselle. Avec des vents venant du nord, les températures ne peuvent pas monter bien haut. Il fera par exemple 2 degrés cet après-midi à Strasbourg, 4 à Paris, 7 à Toulouse, 8 à Marseille. Mais c'est surtout demain matin qu'il fera froid, des gelées presque généralisées, même sur les côtes, moins 1 à Biarritz, moins 2 à Ajaccio et autour de moins 6 dans toutes les régions de l'Est. Tout de suite sur France Inter, rendez-vous avec X de Patrick Pénaud. Trop d'Indiens, pas assez de Blancs. Qu'à cela ne tienne, il faut faire venir des colons d'origine européenne pour blanchir ce pays. Et pas n'importe lesquels, des individus originaires d'Afrique australe, élevés au lait de l'apartheid. Tel est le projet raciste qui a germé au début des années 70 dans le cerveau des généraux boliviens qui régnaient d'une main de fer sur leur pays depuis 1964. Nous avons vu la semaine passée avec M. X que ce plan, soutenu par des organisations internationales respectables et que l'Allemagne fédérale était disposée à financer en partie, a fini par capoter. Inutile d'ajouter que le puissant parrain de la Bolivie, je veux parler des États-Unis, n'était nullement hostile à ce projet secret, bien au contraire, puisqu'il s'agissait aussi de construire au cœur de l'Amérique du Sud un bastion blanc et anticommuniste. Car c'était aussi les belles années du plan Condor, une sorte de coopérative des dictatures de la région qui mettaient en commun leurs moyens policiers pour traquer et parfois assassiner leurs opposants. Enfin, la Bolivie, le pays du coup d'État, comme on l'a appelé, 187 en un siècle et demi, abritait aussi quelques nazis notoires, dont un certain Klaus Barbie, qui n'était d'ailleurs pas étranger à la conception de ce projet destiné à blanchir la Bolivie, c'est-à-dire à continuer à dominer et exploiter encore un peu plus les autochtones. Ces Indiens, souvent descendants des Incas, qui forment les deux tiers de la population du pays, et ont enfin élu à la présidence l'un des leurs en 2005 pour la première fois depuis l'indépendance acquise en 1825. Dans un instant, la suite du propos de Monsieur X. Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer y hoy me tienes medio loca porque ya siquiera un poco ha de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida vuelve a sonreír, tengo ya deseo de sentir los besitos de tu boca que que mejor me hacen vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo, si no me fuera traidora la luz de tu amor, y yo no sé si existiera por ti todo mi querer. Ay, yo no sé qué sería mi vida sin ti, pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios o que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá. Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá. Deja que Dios o que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá. Arrivé au pouvoir en 1971, Hugo Banzer a réussi à se maintenir 7 ans. Bah, c'est un record pour la Bolivie. En effet, oui. Ouais. Enfin, hissé au sommet par l'armée, c'est aussi l'armée qui l'a démis de ses fonctions. Je résume. Lassé d'une dictature corrompue et même criminalisée. La drogue. Oui, la drogue. Ouais. On en reparlera. Donc, lassé et exploité, la population a fini par gronder. Malgré la répression. Ah, une répression féroce. Dès que les mineurs revendiquent, l'armée intervient avec une rare brutalité. En 1976, par exemple. Et puis, dans un pays où partis et syndicats sont interdits, il est évident que la tension monte peu à peu. D'autant que les Indiens supportent de plus en plus mal de voir leurs terres ancestrales vendues à de riches étrangers. Ouais. Une population indienne qui est soumise. Et méprisée. Victime du racisme. Oui, oui, oui. Je vous donne un chiffre particulièrement éloquent. En 1997, et donc hier, le gouvernement établit un barème quant au dédommagement dû aux familles victimes d'émeutes ou de catastrophes naturelles. Le prix de la vie d'un Indien est fixé à 7000 bolivianos, tandis que celle d'un blanc est estimée à 20 000. Ah oui, quoi, presque trois fois plus. Alors, je reprends. À la fin des années 70, il est évident que le couvercle de la marmite risque de sauter tant les oppositions montent. Une nouvelle grève des mineurs provoque une intervention de la troupe. Les opposants, et pas seulement les mineurs, ripostent en décrétant une gigantesque grève de la faim. On voit même un ancien président de la République participer au mouvement. Ah ouais. L'armée se rend compte que le temps de Banzer est achevé, le dictateur est donc démis. Et par les siens. Exactement. Il s'ensuit une série de coups d'État à répétition. Une période extrêmement violente, marquée par ce que l'on a appelé le massacre de la Toussaint. En 1979, pour mater la résistance populaire, les militaires font donner les tanks, les canons et les hélicoptères. On compte alors des centaines de morts. Assassinats de syndicalistes et d'opposants de tout poil, tortures, création d'escadrons de la mort, la Bolivie vit les pires heures de son histoire. Et c'est dans ce climat de terreur qu'émerge en 1980 un nouveau dictateur. Un militaire. Forcément. Ce général, García Meza, a d'ailleurs été puissamment aidé par ses collègues argentins. Des spécialistes. Bien entendu. Ouais. Aussitôt, ce nouvel homme fort du pays impose un couvre-feu, ferme les universités, interdit une nouvelle fois les syndicats et ordonne de nombreux assassinats. Un libéral, celui-là. Ouais, comme vous dites. Les dirigeants du parti clandestin MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, sont ainsi presque tous liquidés. En même temps, la junte met le pays en coupe réglée et organise méthodiquement le narcotrafic. Mais vous avez dit que Banzer aussi n'était pas étranger au trafic de drogue. C'est exact. Mmh. Mais avec Mezza et ses complices, on atteint des sommets. Ça va même si loin qu'à Washington, on commence à s'inquiéter très sérieusement. D'autant que le pillage systématique des richesses nationales aboutit à un appauvrissement général du pays et par conséquent à une grave crise économique. Mmh. Les jours de Mezza, lui aussi, hein, sont donc comptés. Et la dictature est condamnée. Mmh. Elle aura quand même duré presque 2 décennies. Mmh. Le pouvoir revient donc aux civils. Oui, mais confronté à une véritable catastrophe économique qui se traduit par une inflation jamais vue. Le président élu doit naviguer à vue. Et finalement, en 1985, il laisse la place à un revenant, un ancien président des années 50, l'un des fondateurs de ce MNR, Mouvement National de la Révolution, qui a si longtemps dominé la vie politique du pays. Oui, un parti, enfin, m'avez-vous dit, qui a renoncé depuis des lustres à ses idéaux révolutionnaires. Effectivement, le président Estanssoro va prendre exactement le contre-pied de sa politique d'autrefois et choisit un cap néolibéral. Mais attendez, peut-il agir autrement là, alors que l'économie bolivienne est naufragée? Ça, je ne sais pas, mais il n'a guère eu le loisir d'opter pour une autre politique. C'est alors l'ère du réganisme triomphant et on porte au pinacle le gourou de l'école de Chicago, l'économiste Milton Friedman. Qui a déjà pu expérimenter ses théories libérales dans le Chili voisin. Où Pinochet l'a écouté avec beaucoup d'attention. Mais c'est aussi Friedman qui inspire la politique du Fonds monétaire international. Le FMI, hein. Et aussi celle de la Banque mondiale. Par conséquent, ces deux institutions toutes puissantes ont imposé leur choix au président bolivien et celui-ci a dû s'incliner. Bien entendu. Alors, c'est vrai que grâce à cette purge, l'inflation est rapidement maîtrisée. Mais cette politique néolibérale provoque de nombreux licenciements et une baisse drastique du pouvoir d'achat des Boliviens les plus pauvres. Tandis que la dénationalisation des mines est envisagée. Ouais. Alors, réaction des syndicats? Elle est très vive. Mais le président déclare l'état d'urgence et assigne à résidence les principaux leaders syndicaux. Mais c'est-à-dire qu'il renoue avec la manière forte. Certes. Mmh. Mais on est quand même très loin des excès criminels de la dictature militaire. Toutefois, c'est vrai, plus que jamais, c'est l'oligarchie blanche qui commande. Un seul détail, mais il vous permettra de mieux comprendre. Un décret présidentiel interdit toute enquête sur l'origine du patrimoine. Un texte rédigé sur mesure pour le plus grand plaisir des 60 grandes familles qui dirigent en réalité l'économie du pays. Mmh. Mais justement, bon, est-ce que cette économie quitte la zone rouge? Incontestablement. Et les capitaux étrangers commencent à affluer. En même temps, les privatisations des entreprises nationales renflouent les caisses de l'État. D'accord, mais enfin ça peut être que provisoire. Hein. Évidemment. Mmh. Et puis surtout, les Boliviens les plus modestes, c'est-à-dire la majorité, ont le sentiment qu'on brade leurs bijoux de famille aux grandes multinationales, alors même que leurs conditions de vie ne s'améliorent pas. Le président qui succède à Estanssoro, et qui n'est autre que son ancien ministre des Finances... L'homme qui a piloté cette politique néolibérale, donc. Sanchez de Losada. Ouais. Donc, ce nouveau président doit affronter une opposition de plus en plus virulente. On l'appelle même le vendeur de la patrie. Et comment réagit-il, alors? Eh bien, comme ses prédécesseurs. Il fait appel à l'armée pour juguler les manifestations. Toutefois, il peut quand même aller jusqu'à la fin de son mandat. En 1997. Ah, ça, c'est déjà un premier. Ouais, enfin, l'opposition ne renonce pas. Et surtout, elle change de nature. C'est-à-dire? Ben, elle prend une coloration de plus en plus indigéniste, si vous me pardonnez ce barbarisme. À tel point qu'on a parlé de réveil indien. Mais je vais y revenir longuement. Auparavant, je dois vous dire qu'on voit réapparaître un fantôme de la dictature. Qui, alors? Hugo Banzer, l'ancien dictateur déchu, se présente à l'élection présidentielle de 1997. Et contre toute attente, il est élu. Malgré ses crimes... Ah, c'est tout à fait étonnant. Et comme si on avait tout oublié, quoi. Oui, son implication dans le trafic de drogue, les assassinats qu'il a ordonnés, sa participation au plan Condor, ou encore la stérilisation des femmes indiennes, et j'en passe. Ce vieillard, il a alors plus de 70 ans, se présente comme un arbitre et un grand-père. Il faut quand même oser, hein. Une fois, le naturel revient au galop. Non pas qu'il gouverne en dictateur, il n'en a plus les moyens, mais sa présidence se révèle vite être une catastrophe. Corruption, népotisme, inefficacité, autant d'insuffisances qui provoquent de nombreux conflits sociaux et contribuent à ruiner un peu plus son pays. En 2001, atteint d'un cancer, il doit démissionner. Bah, finalement, son retour a été peu glorieux. En effet, et Banzer s'éteint un an plus tard, en laissant un pays désemparé et divisé, où les grèves et les barrages routiers sont presque quotidiens, et où surtout la contestation des indigènes prend une ampleur croissante. Rendez-vous avec X. Retour sur le règne Banzer. Au lendemain de sa mort, sous le titre peu amène de Hugo Banzer, dictateur au petit pied, Alain Ablard lui consacre un portrait dans le journal Le Monde. J'en extrais ces quelques lignes. La dictature que dirigea Banzer fut réelle et dure, selon le dirigeant du Parti communiste bolivien Simon Reyes, mais sans commune mesure avec celle du Chili, 3000 morts et disparus, ou de l'Argentine, 30 000 victimes. Le 5 août 1997, à l'âge de 71 ans et à sa sixième tentative, Hugo Banzer est élu président de la République. Il n'a certes obtenu que 21% des suffrages populaires au premier tour, mais il est élu par le Congrès grâce au vote de 73% des parlementaires avec lesquels il a formé une méga coalition. Cette majorité écrasante est une fiction politique tant ses membres n'ont aucune affinité idéologique, mais son existence équivaut à une reconnaissance de la trajectoire irréprochable qui a été la sienne depuis sa conversion à la démocratie. Dans son allocution d'adieu, Banzer évoque les 7 années de la dictature qu'il a dirigée, déplore les excès de la répression, tout en les justifiant une dernière fois, car les mesures prises avaient pour but, selon lui, de sauver le pays du totalitarisme et du chaos. Ému aux larmes, il dit s'en remettre à Dieu et partir avec la consolation d'avoir consacré sa vie à sortir la Bolivie de la pauvreté, tout en regrettant de ne pas avoir achevé cette tâche. Avant d'en venir à la question indienne, hein, ou indigène, car le qualificatif indien, ça, de façon plutôt péjorative en Bolivie, hein, c'est ça, oui. Il est peut-être temps, oui. Ah, il est peut-être temps de dire un mot de la drogue, puisque vous m'avez parlé plusieurs fois du narcotrafic. Volontiers. Et vous allez constater que ça va aussi me permettre d'évoquer la question indigène. Mm-hmm. Il faut en effet savoir que la feuille de coca joue un rôle important dans la vie des Indiens, depuis toujours, j'allais dire. Mais de quelle façon exactement là ? Bah, la feuille a d'abord des vertus médicinales. Oui, c'est grâce à la coca que les Indiens supportent le mal de l'altitude et peuvent travailler en haute montagne. En outre, la feuille mastiquée ou infusée possède aussi des qualités nutritives. Mais plus subtilement, la coca est un produit sacré pour les Indiens. Elle fait partie intégralement de leur culture. Alors donc, la consommer, c'est un rituel et aussi un symbole identitaire. C'est ça, et les conquérants espagnols ne s'y sont pas trompés. Ils ont d'abord interdit la culture et la consommation de la coca avant d'y renoncer lorsqu'ils se sont aperçus que leurs esclaves indiens qui usaient de coca travaillaient plus dur et plus longtemps. Ah oui, effectivement. Mais la feuille de coca peut aussi conduire à la production de cocaïne. Bien sûr, puisque la cocaïne est l'alcaloïde contenu dans la feuille. Mais on a découvert les secrets de sa fabrication qu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que les populations autochtones là, qui mastiquaient les feuilles n'ont jamais connu le produit cocaïne en tant que tel. Bien évidemment. Ce sont les Blancs qui vont propager la transformation de la feuille en poudre de cocaïne. Mais il faudra attendre le tout début des années 1960 pour que la cocaïne soit classée comme stupéfiant. Alors même que la production avait commencé à alimenter le marché du narcotrafic. Cependant, le grand boom, si j'ose dire, commence avec la période des dictatures militaires. Ah oui, alors Banzer et les autres. Pourtant, enfin, tous ces dictateurs sont soutenus par les États-Unis. Ah mais pour Washington, la lutte anti-drogue n'est pas encore une priorité. Et puis, il ne faut pas exclure que certains agents de la CIA aient été associés à ce trafic très juteux, en aidant, par exemple, au transport de la drogue. La production ne cesse alors d'augmenter, d'autant que la crise économique aidant, des mineurs ou des travailleurs des entreprises privatisées sont licenciés et deviennent cocaleros. Ouais, c'est-à-dire producteurs de feuilles de coca. C'est ça, oui. Cependant, la transformation ne se fait généralement pas en Bolivie, au moins jusque dans les années 90, mais plutôt en Colombie, où se constituent de puissants cartels de trafiquants. Quoi qu'il en soit, la Bolivie devient très vite le troisième producteur mondial de feuilles de coca, derrière la Colombie et le Pérou. Ça signifie alors que cette production est destiné essentiellement à l'exportation. Oui, on estime que seuls 10% des feuilles sont consommées sur place. C'est la consommation traditionnelle des Indiens. Qui, il faut le noter, continuera à être autorisée. À usage local, donc. Et à quelle date, alors, les États-Unis commencent-ils à faire pression sur la Bolivie pour qu'elle procède à l'éradication des cultures? Dans les années 80. C'est aussi l'époque où l'on découvre quelques 300 kilos de pâtes de cocaïne dans une hacienda appartenant à Hugo Banzer. Ah oui, le dictateur, oui. Une preuve supplémentaire alors de son implication passée ou présente dans le narcotrafic. En tout cas, à partir de ces années-là, Washington prend les choses au sérieux et use de toute son influence pour obliger les gouvernements sud-américains à s'engager dans la lutte anti-drogue. Et donc dans une politique d'éradication des cocaïers. Oui, le moindre des paradoxes n'est pas de constater que c'est sous la présidence d'Hugo Banzer que cette campagne affublée de l'appellation « Plan Dignité » va être menée de la façon la plus radicale. Banzer, le repenti ou prévu tel. Oui, enfin, il est donc prévu à partir de 1997 de détruire 5000 à 8000 hectares par an. Une opération effectuée par une force spéciale entraînée par les États-Unis et qui regroupe des paramilitaires et des policiers. Les léopards, comme on va bientôt les appeler. J'imagine que l'entrée en fonction de cette troupe doit être assez mal acceptée par les paysans indiens, enfin, les cocaleros, comme vous disiez. Il ne peut pas en être autrement. Les heurts sont fréquents et parfois très meurtriers. Pour la seule année 2003, on recense 70 morts. Mais il faut bien comprendre, cette culture de la coca est souvent la seule ressource de ces paysans. Mais les cultures de substitution, elles aboutissent souvent à des échecs, parce que le marché est mal organisé et que les fruits, les ananas par exemple, pourrissent avant d'être expédiés. Et les paysans retournent donc alors vers la culture de la coca. Et ils sont près de 200 000 à en vivre. Autant de paysans qui n'entendent pas renoncer et font échec par de multiples ruses à l'action des léopards. Certains producteurs dissimulent leurs cocaïers ou s'enfoncent de plus en plus profondément dans la forêt amazonienne afin d'échapper au repérage des hélicoptères. Comme en Colombie, donc. Exactement, oui. Mais la principale capacité de résistance de ces cocaleros tient surtout au fait qu'ils s'organisent et que, progressivement, leur révolte devient politique. Et cette révolte coïncide avec les revendications indiennes. En effet. Et le principal leader du syndicat des cocaleros ne sera autre que le président actuel de la Bolivie, Evo Morales. Alors, bon, ça mérite un petit retour en arrière. Allez-y, ouais. C'est dans les années 70 qu'on voit naître les premières revendications indigénistes. Et c'est logique, puisque c'est aussi l'époque où la dictature essaie de blanchir la Bolivie. Et blanchir, faut le rappeler, hein, c'est-à-dire introduire en Bolivie des Blancs. Ouais, bon. Voilà. Cette contestation qui est autant politique que culturelle se réfère aux grandes révoltes indigènes qui ont jalonné l'histoire de la Bolivie, et en particulier celle de la fin du XVIIIe siècle. Un mot d'explication peut-être là. Oui, en 1781, Tupac Katari, un chef Aymara, c'est-à-dire issu de ces tribus qui peuplent la cordillère, rassemble une troupe de 40 000 hommes et assiège la ville de La Paz. Une révolte, enfin j'imagine, dirigée contre le colonisateur espagnol. Mais les Espagnols sont mieux armés et Tupac Katari finit par être pris. Et il est écartelé en place publique. Il y aura d'autres révoltes sporadiques tout au long du 19e et début du 20e siècle. Les Indiens protestent alors contre le sort misérable qu'il leur est fait. En 1920, un président bolivien déclare par exemple que l'Indien est une bête de somme pour laquelle il ne faut avoir aucune compassion et qu'il faut exploiter au maximum sans honte et sans aucun sentiment d'humanité. Ah oui, un esclave en somme. Ah bah, c'est exactement ça. Ouais. Donc, dans les années 1970, un mouvement politique et culturel apparaît. le mouvement catariste. Mais du nom de ce chef qui a été supplicié par les Espagnols. Oui, et petit à petit, ce mouvement, plus ou moins clandestin sous la dictature, va donner naissance à une vraie guérilla qui conduit à plusieurs actions de sabotage des infrastructures boliviennes. Mais ici, je voudrais faire une parenthèse. Assez tôt, les dirigeants du pays ont pensé qu'il était essentiel d'éliminer chez les Indiens tout sentiment identitaire. Oui, ben c'est la mise en œuvre alors d'un processus de déculturation. Oui, et dans ce but, sans doute à l'instigation de leur puissant allié nord-américain, ils se sont appuyés sur les églises évangéliques. Oui, ben comme dans d'autres pays d'Amérique latine, hein, je pense en particulier au Guatemala. Oui, vous avez parfaitement raison. Et ces missionnaires, souvent venus des États-Unis, ont tout fait pour détacher les indigènes de leurs traditions culturelles. Ils ont par exemple détruit les symboles de leurs anciennes croyances ou interdit aux Indiens de continuer à mâcher leurs feuilles de coca. En même temps, et c'est encore plus pervers, ils ont fait en sorte de combattre la fameuse théologie de la libération qui était prêchée par certains prêtres catholiques. Désavouée plus tard par le Vatican. Hein. Oui, enfin ça c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, et je fermerai cette parenthèse, ces églises évangéliques ont été de précieux alliés des pouvoirs en place. Alors, bon, je reviens à l'apparition de cette première guérilla. Un peu éloigné, là. Oui. Son chef est un certain Felipe Huanca Quispe, qui a été formé par les sandinistes du Nicaragua. Mais Quispe ne tarde pas à être capturé et sera emprisonné 5 longues années. Quand, là ? Au début des années 90. Mais dès sa libération, il prend la direction du principal syndicat paysan et fonde son propre parti politique, le MIP. Ça signifie quoi, ça ? Mouvement indigène Pachacuti. C'est très intéressant parce que Pachacuti veut dire le temps qui revient en arrière. Ah oui. Quispe, là, entend donc effacer les années de la colonisation et de la suprématie blanche, hein. Et puis, il a un programme politique, quand même? Ah ben, Quispe, qui se présente, tout comme Tupac Katari autrefois, comme le chef naturel de l'ethnie Aymara, veut, selon ses propres termes, réindianiser les siens et aboutir à terme à la création d'une nation indienne indépendante. Et pour cela, il se déclare prêt à entamer une action armée. Ah, c'est un leader radical. Ah, et particulièrement intransigeant. Mais un autre chef s'est levé. Ah ben, j'imagine que c'est Morales. Oui, oui, celui qui va devenir le premier président indien de la Bolivie, Evo Morales. Il faut le dire tout de suite, c'est un leader beaucoup plus consensuel que Quispe. Plus modéré, vous voulez dire ? Certainement. Ouais. Même si sa dénonciation de l'élite blanche peut être parfois très violente. Mais il va y avoir rivalité entre ces deux chefs, alors. Obligatoirement. Mais dans les combats qui vont suivre, c'est le plus politique des deux, Morales, qui va l'emporter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. En 1996, Evo Morales, qui sera plus tard accusé par l'ambassadeur états-unien en Bolivie d'être le Ben Laden des Andes, n'est encore connu que par ses fonctions à la tête du syndicat des planteurs de coca. Voici comment il est vu par Kathleen Ellison du Miami Herald. Assis derrière son bureau, Evo Morales, 56 ans, mince et nerveux, parle dans son téléphone portable. Au-dessus de lui, sur un poster de Che Guevara, un slogan prédit une guerre civile si le gouvernement ne met pas un terme à la répression. Les caméras de télévision tournent, le personnel attend ses instructions. C'est un jour comme tant d'autres pour celui qu'on appelle Señor Coca, le représentant de dizaines de milliers de Boliviens qui vivent de la culture de la coca. Au grand dam de Washington, M. Morales, dont le cri de guerre est « Vive la coca, moro gringos !», a gagné le soutien de la communauté internationale en affirmant que la coca symbolise la fierté et la souveraineté de la Bolivie où la feuille de coca est consommée traditionnellement par les populations andines. Il a même été nominé l'an dernier pour le prix Nobel de la paix. Les États-Unis ne voient dans la drogue qu'un prétexte pour s'immiscer dans les affaires de notre pays, déclare cet Indien Aymara, qui dirige le premier syndicat d'exploitants de coca du Chaparé. Avant, c'était le communisme. Maintenant, ils ont inventé autre chose, commente-t-il. Avant attendons de voir les étapes de ce combat qui va conduire Morales jusqu'à la présidence de la République. Mais un événement, vous souvenez, quoi, un événement considérable pour tous les Indiens d'Amérique du Sud. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, voyons donc ce qui a précédé. Dès 1997, le syndicaliste Cocalero Morales est élu député. Et il a fondé un parti, le MAS, Mouvement pour le Socialisme. Il n'y figure ni le mot indien, ni le mot indigène. Mais c'est le signe que Morales n'entend pas se limiter à une lutte ethnique, même si, dans la réalité, ce sont les Indiens qui vont fournir le gros de ses troupes. Il entend donc aussi s'appuyer sur les combats sociaux. Le premier acte se joue à l'automne 2000. Le gouvernement, c'est encore Banzer qui est au pouvoir, privatise la distribution de l'eau et dans la troisième ville du pays, Cochabamba, la confie à une multinationale nord-américaine. Ça se traduit presque inévitablement par une augmentation du prix de l'eau, presque 50%. Ça rappelle quelque chose. Quoi. Et ça déclenche de vives protestations. Et Morales n'est pas le dernier à les orchestrer. À Cochabamba, il est en effet chez lui. Les manifestations succèdent aux manifestations et bientôt c'est une véritable révolte populaire qui menace. Les habitants emploient les méthodes traditionnelles des cocaleros, c'est-à-dire le blocage des routes. Le résultat alors ? Le pouvoir recule, il n'est plus question de privatiser l'eau. Morales y a gagné en popularité. C'est certain, le deuxième acte va se jouer en 2003. Entre-temps, Banzer est parti. Et c'est Sanchez de Losada qui lui a succédé. L'homme qui a déjà été président et qui a été appelé le vendeur de la patrie. Oui, ce libéral est le bon élève bolivien de Washington et du FMI. À tel point qu'on l'appelle aussi parfois El Gringo. Ça dit bien ce que ça veut dire. En effet, donc cette année-là, en 2003, éclate après la guerre de l'eau, la guerre du gaz. Expliquez-moi là. Un considérable gisement de gaz a été découvert dans la cordillère au sud du pays. Sous la présidence précédente, son exploitation a été confiée à un consortium réunissant trois compagnies étrangères. Il est prévu de construire un gazoduc qui déboucherait dans un port chilien. Oui, parce qu'il faut rappeler que la Bolivie ne dispose pas d'accès à la mer. En effet, un accès qui lui a été volé par le Chili à la fin du 19e siècle. Enfin, c'est en tout cas le sentiment de la majorité des Boliviens. Ouais, donc sujet sensible, très sensible. Oui, absolument. Or, ce gazoduc permettrait au Chili de toucher au passage un cinquième des bénéfices de l'exploitation de cette ressource énergétique destinée à être exportée vers les États-Unis et le Mexique. C'est inacceptable pour la grande masse des Boliviens qui pensent qu'une nouvelle fois, on veut piller leur richesse naturelle. L'annonce de la construction de ce gazoduc va donc provoquer un véritable soulèvement populaire. Et on retrouve Morales. Bien sûr. Ouais. Son parti, le MAS, est en première ligne à côté du mouvement fondé par son rival Quispe. Mais il y a aussi les puissants syndicats boliviens. La contestation prend d'abord naissance dans la banlieue miséreuse de La Paz, El Alto. Les cocaleros qui ont été les premiers à manifester sont bientôt rejoints par la classe moyenne et les fonctionnaires. Même les policiers sont de la partie. La capitale est maintenant quasiment assiégée en raison du blocage des routes qui y mènent. Et seul un pont aérien peut assurer son ravitaillement. Mais comment le gouvernement là, peut-il riposter ? S'il entend résister et ne pas se démettre, il ne peut que faire appel à l'armée. Comme par le passé, quoi. Sanchez de Losada décrète donc l'état d'urgence et engage la troupe contre les manifestants. C'est le début d'affrontements extrêmement violents. On va compter des dizaines de morts, sans doute 80. Et on recense encore plus de blessés. Au centre de La Paz, le palais présidentiel doit être protégé par des blindés. La situation est donc, d'un seul coup, là, excessivement tendue. Et si Sanchez de Losada tarde à céder, c'est qu'il est toujours assuré du soutien de la Maison-Blanche qui multiplie les déclarations accusant les opposants ethniques de bafouer la démocratie et d'être manipulés par les narcotrafiquants. Ouais. Il doit mettre de l'huile sur le feu, quand même tout ça. Oui, sûrement. Alors acculé, le président bolivien finit par annoncer qu'il met fin au projet de gazoduc. Mais il est trop tard. La révolte est allée trop loin. Sanchez de Losada choisit donc de démissionner, puis de s'exiler aux États-Unis en octobre 2003. Le pouvoir est vacant, hein ? Non, son vice-président Carlos Meza lui succède. Et l'un de ses premiers actes consiste à créer un ministère des Affaires indiennes. Est-ce que ça suffit à apaiser le pays, ça ? Malgré une popularité certaine, Meza ne parvient pas à prévenir d'autres manifestations de contestation. On assiste à de nombreuses escarmouches entre paysans et forces de l'ordre. Et le rival de Morales, Quispe, en profite pour occuper avec ses hommes plusieurs grandes propriétés appartenant à des Blancs. Et Morales, lui, alors ? C'est lui qui a réellement fait tomber Sanchez de Losada. Et par là même, il a obtenu l'abandon de la politique néolibérale conduite depuis tant d'années. Aussi, Assez raisonnablement, il déclare qu'il ne recourra plus à la violence. Ah, il se démarque donc nettement de Quisper. Et dès lors, il est clair qu'il s'engage dans un processus démocratique de conquête du pouvoir. Par les urnes, donc. Et en dehors de la revendication de la liberté de culture pour les cocaleros, son cheval de bataille va être désormais la nationalisation des hydrocarbures. Et il se pose un adversaire déclaré du président Meza, qui est hostile à toute expropriation des compagnies étrangères présentes en Bolivie. Mmh. Donc ça, c'est la future campagne présidentielle qui commence. Ah, hein. C'est évident. Mmh. Une première indication importante est donnée dès la fin de l'année 2004. Les élections municipales consacrent l'effondrement des partis gouvernementaux au pouvoir depuis si longtemps, tandis que l'organisation de Morales recueille près de 30% des voix. Sans toutefois réussir à conquérir une seule des grandes villes du pays. Oui, mais enfin, il a reçu quand même un sérieux encouragement. Et Morales le prend comme tel, car son parti est devenu la principale force d'opposition en Bolivie. Mais il a parfaitement conscience de ses faiblesses. Et par exemple ? Bah, l'ethnicité de son combat, d'autant qu'il ne représente pas l'ensemble des Indiens. Oui, toujours Quispe. Et puis, même si les Indiens sont majoritaires en Bolivie, Morales doit élargir son électorat. C'est pourquoi on le verra progressivement évoluer vers une conception plus patriotique et strictement socialiste. Autre difficulté qui ne fera que progresser dans les départements de l'Est. Quoi, les plus riches, les plus peuplés. Hein, et où les Blancs n'ont aucune envie de passer sous la coupe des Indiens. Eh bien, on commence déjà à s'y inquiéter. Après les élections municipales, on a vu par exemple naître un comité civique qui a organisé un rassemblement de 200 000 personnes à Santa Cruz. Et d'ailleurs, le gouverneur de ce département de Santa Cruz, Ruben Costa, deviendra la bête noire de Morales, car il menacera un peu plus tard, après l'élection de Morales, de prononcer l'indépendance de son département. Une indépendance qui, il faut bien l'avouer, serait plutôt bien vue à Washington. En tout cas par l'équipe Bush, qui a toujours accordé son soutien à Costas. Mmh. Et puis, à cette image de Morales, hein, protecteur des cocaleros, c'est donc un peu complice des narcotrafiquants. Bon, enfin, une image largement propagée par ses ennemis, à l'intérieur comme à l'extérieur. Même si, il faut le rappeler, la production domestique de coca n'était pas considérée comme un délit, en tout cas. Malgré tous ses écueils, Morales joue très habilement en fédérant toutes les oppositions et en rassemblant tous les mécontents. En particulier, tous ces paysans pour lesquels l'éradication des cocaïers voulue et financée par les États-Unis s'est traduite par un appauvrissement considérable. Mmh. Et Morales va l'emporter. En décembre 2005, il arrive à ses fins en remportant l'élection présidentielle avec 53% des voix. Un succès qui est suivi par une autre victoire aux élections législatives. Oui, mais son récent succès lors du référendum constitutionnel lui permet en principe de gouverner sans contrainte légale. Et à l'issue de son premier succès électoral, il annonce aussitôt qu'il entend s'affranchir de la tutelle des États-Unis et dépénaliser la culture de la coca. En outre, dès le mois de mai, Morales déclare que l'État bolivien va récupérer la propriété et la concession de toutes les ressources en hydrocarbures, avant de procéder à d'autres nationalisations, comme celle des mines et de l'industrie financière. Et tout ça apparaît à Washington comme une véritable déclaration de guerre. D'autant que d'autres pays d'Amérique du Sud qui ont déjà versé à gauche pourraient suivre cet exemple détestable. La suite de la présidence de Morales ne va pas être un long fleuve tranquille. Eh non, car la droite sans cesse aiguillonnée par Washington va mener une véritable guérilla contre lui. Mais vous avez sans doute suivi cela dans les journaux. Ouais, ouais. Hein, le paroxysme de cette confrontation avec le grand voisin nord-américain a été atteint en novembre 2008, lorsque Morales a décidé d'expulser de Bolivie les agents antidrogue états-uniens accusés de conspirer contre son gouvernement. Ouais. Vous me semblez plutôt approuver l'action de Morales. Non, c'est encore de l'anti-américanisme Non, car il y a aussi des éléments inquiétants chez lui. L'existence, par exemple, de cette milice qui lui est acquise, les Ponchos Rouges. Une organisation qui a un peu trop de tendance à devenir un État dans l'État et se substitue parfois à la police. Mais il faut reconnaître que Morales doit affronter des forces considérables, tant financières que politiques. Et c'est déjà presque miraculeux qu'il soit toujours au pouvoir alors que les départements les plus riches du pays le combattent ouvertement. Mais au nom de la protection de l'économie de marché, c'est bien ça. Sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. On peut se poser des questions. À côté de Ruben Costas, dont j'ai déjà parlé, se trouve un richissime entrepreneur d'origine croate, Branko Marinković. Un descendant d'Oustachi ? Très certainement. Et cela ne peut que réveiller les mauvais souvenirs de l'époque où Barbie était l'un des pontes de la police. Monsieur X l'a évoqué, le référendum constitutionnel du 25 janvier dernier a donc conforté le pouvoir de Morales, qui fait dorénavant de la Bolivie un pays multiethnique et multiculturel. Une sorte de point d'orgue qui met fin à un demi-millénaire de colonisation. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et en principe la podcaster. Valérie Ayestarai, Rebecca Denante, Marine Vlaovic et Monsieur Djoub ont participé à la préparation de cette émission. Et tout de suite, après le flash CO2 Mon Amour de Denis Chessou, du Vert. La maîtrise de Radio France recrute. Bonjour, je suis Marie-Cécile, j'ai 10 ans. Le matin, c'est l'école. L'après-midi, en avant la musique. Et le soir, concert a cappella ou accompagné par les orchestres de Radio France. La maîtrise cœur d'enfant de Radio France recrute. Vous avez entre 9 et 15 ans, vous aimez chanter ? Inscription avant le 6 mars. Renseignements 01 40 71 29 00 ou sur radiofrance.fr.